Mon époque, ma radio. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G. Point G. Comme Julia, sur le Move. D'amour. Une demi-heure tous les jours sur le Move pour parler de ce qui a toujours fait marcher le monde, l'argent. Mais non, le sexe, oui, le sexe, avec un peu d'amour aussi parfois. Point G, comme Julia, l'émission qui vous donne la parole. Laissez-nous des messages sur notre répondeur 01 56 40 54 54. Quel est le résultat? Ben, ça donnera à peu près ça. En lisant le pitch, je me suis dit que ce serait génial si l'émission répondait à la grande question que se posent toutes les femmes de mon âge, les 20 ans. Je pense qu'on peut quand même se poser la question en tant qu'être humain de se demander... C'est quoi ce nouveau délire de New Relations sur le modèle de Je me mouille pas entre le plan cul et l'amourette de collégien? Si on désire par exemple la sœur de, bah, d'un pote, en fait, où est-ce que se situerait la limite, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Alors, la tromperie, c'est bien, c'est mal, c'est dans l'air du temps. Alors, c'est bien, non. C'est pas chic du tout. Oui, c'est mal. C'est mal. Et puis alors, dans l'air du temps, on a quand même trouvé mieux pour être tendance aujourd'hui. Donc, je suis contre la tromperie. Bon alors, docteur, c'est quoi ce nouveau modèle, cette new relation entre plan cul et amourette de collégien? Est-ce que c'est un nouveau modèle de couple? Bah, non, je pense pas forcément. Couple, pour moi, il y a quand même un minimum de stabilité. Il faut qu'il y ait une relation qui s'installe un petit peu, on va voir. C'est-à-dire au-delà de 5 minutes? Oui, donc oui. Là, le... Mais à 8 minutes, c'est bon. On peut se faire... Si les deux sont d'accord pour se faire du bien, c'est une chose. On n'a pas forcément, ça c'est toujours le problème, les catégories ne sont pas forcément au même moment que les pratiques. Que ce qu'on est c'est en train d'inventer. Donc le... On ne colle pas forcément les bonnes étiquettes aux bonnes choses, c'est ça? Oui, il n'y en a pas vraiment. François de Saint-Guy, bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université Paris-Descartes, spécialiste du couple et de la famille. J'ai bon? Tout bon. D'accord. Comment elle va, la famille, aujourd'hui? Bah, depuis... j'adore cette question parce que, en fait, depuis les années 1970, on dit qu'on avait même prévu sa fin, qu'elle est mal et tout. Et puis, comme on voit qu'elle ne s'effondre pas, simplement qu'elle change un peu de forme et tout, à chaque fois, c'est la question comment elle va. Mais on ne la pose pas tellement. Jamais on pose cette question-là en début de est-ce que l'école, ça va et tout. Oh, si, on le demande. Moi, non, parce que, Même. On ne la pose pas comme ça. La famille, bizarrement, c'est peut-être l'institution qui marche la mieux. Alors, c'est notre petit rituel de début d'émission pour lancer un petit peu les hostilités, si je puis dire. Donnez-nous votre définition de l'amour, du couple ou de la sexualité, comme vous voulez. À l'amour, à ce moment-là, ça, définition de l'amour, c'est ce qui m'inspire le plus. Le je t'aime. Je t'aime, la question. Il y avait une petite allusion tout à l'heure avec les problèmes de tromperie et tout. Je t'aime, ça veut dire je t'aime en entier, tout toi. Mm-hmm. Alors que dans une relation, par exemple, amicale, on peut aimer ses amis pour plutôt telle dimension, puis on peut avoir d'autres amis pour d'autres dimensions. Pour moi, l'amour, c'est il faut prendre tout le paquet. Moi, je me ferai un plaisir de citer l'homme au cigare et à la voix de velours, Jacques Dutronc, un peu garagiste sur les bords quand il s'emballe, et qui nous dit « Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter la voiture. Certes, rien de tel qu'un bon coup de cric. » Vous êtes d'accord, François? Oui, c'est toujours... En plus, comme c'est Jacques Dutronc, on ne sait pas jusqu'où... Jusqu'où ça va? Non, mais y compris leur modèle hein, de couple. On est dans les limites sur lesquelles sans doute on va y revenir. C'est vrai que pour le coup, François Hardy et Jacques Dutronc, c'est une forme très particulière de vivre ensemble. Oui, oui. En même temps, ils semblent vivre très bien, enfin, d'extérieur. Non mais on va en reparler. On va en reparler, vous avez raison. Avec vous, nous parlerons donc du couple et de ses nouveaux visages aujourd'hui. Un peu ensemble mais pas trop, un peu séparés mais oui mais non, mariés pour la vie mais alors juste pour quelques temps en fait. Ensemble et libre, donc c'est le titre de votre livre François de Saint-Guy et je vous le vole. Oui, c'est comme ça, il faut dire, il est très très bien ce titre. Vous autres, surtout, n'hésitez pas à réagir en direct pendant l'émission. Outre le répondeur, vous avez le choix. La page Facebook de l'émission, c'est Point G comme Julia et le compte Twitter, c'est @.Julia. Ne le cherchez plus, Point G, on l'a trouvé. C'est tous les jours sur le Move à 19h30. Alors, François de Saint-Guy, en préparant cette émission, je me suis demandé quand est-ce qu'on a inventé le mot couple pour désigner... Non, ça j'en sais rien. Je ne sais même pas à propos des débats qu'il y a eu, et pourtant ça j'ai cherché, et quand apparaît par exemple le mariage dans l'histoire du monde. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça a toujours été là. Non, mais c'est toujours... D'abord, il y a des problèmes de catégorisation, entre guillemets. Non, mais ce que je veux dire, dans un autre pays, est-ce que le mot qui désigne couple veut vraiment dire exactement la même chose ? Donc, c'est assez difficile. Alors, aujourd'hui... Je pense qu'on l'utilise beaucoup plus aujourd'hui pour une raison. Ça, en revanche, si on veut un homme et une femme aujourd'hui vont être en couple... Alors que je pense que pour mes parents, pas forcément, parce qu'on était mariés, donc on n'avait pas à dire en couple. Donc je pense que le succès du mot couple, c'est quand même traduit le fait que c'est un peu plus souple qu'avant. Et un peu plus flou aussi dans les contours. Un peu plus fou. Il ressemble à quoi le couple d'aujourd'hui, s'il y avait 2-3 caractéristiques ? Ça paraît tellement évident, mais pour moi, il y a eu un gros changement depuis 30 ou 40 ans. C'est justement que le mariage n'est pas la porte d'entrée de la vie de couple, n'est pas nécessairement non plus l'entrée dans la sexualité, ce qui pouvait encore être le cas. Et donc, c'est éventuellement une porte qu'on peut mettre, une porte au sens une forme de protection qu'on met ou qu'on met pas à n'importe quel moment de sa vie. Ça, c'est quand même un gros changement. Et alors, ce qui est derrière, ça veut dire que justement, dans le mariage, c'est une institution. Donc, il y a un jour. Je peux vous demander, si vous êtes marié, vous allez me donner le jour. Quand commence un couple non marié concubin, certains le savent, d'autres ne le savent pas. Hein, oui, c'est vrai. Forcément. Les hommes surtout ne le savent pas. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est parce qu'en fin de compte, vous allez sortir un tout petit peu. C'est pas forcément la première fois que vous couchez avec. Peut-être que vous allez repartir l'été quand même chacun séparément au début, etc. Et puis la fin, elle est plus floue. Et donc, il n'y a pas de... Oui. Elle peut être plus floue. Oui, je pense que le début est plus flou que la fin. Oui, mais à la différence du divorce... Dans le cas du mariage, où à un moment donné, on signe que c'est fini. Oui, mais dans le divorce, c'est normalement fini depuis longtemps. C'est pas fou. Non, mais le temps que ça dure. Non, mais alors, la deuxième caractéristique, qui est quand même beaucoup plus récente, et qui, c'est bien entendu, que peut-être il y a 20 ans, vous m'auriez demandé une définition de couple, j'aurais dit naturellement, entre guillemets, hétérosexuel. Qu'aujourd'hui, on se pose, on se pose moins la question. Donc, c'est quand même un grand changement aussi historique, mais il n'est pas tout à fait, à mon avis, encore totalement rentré dans l'histoire. D'où c'est le paradoxe du fait que c'est parce que, ça fait moche de le dire d'une certaine façon, et je ne suis pourtant pas du tout critique, mais c'est aussi parce que le mariage est devenu une chose bizarre, qui est à notre disposition, auquel on peut croire plus ou moins, qu'apporte quelques petits avantages et tout, qu'il a été aussi possible de le transformer à tel point qu'il est ouvert et pour tous. Alors, ce qui est fou, c'est que le nombre de divorces a beau continuer d'augmenter. On est en moyenne à un mariage sur deux qui se termine en divorce, et c'est de plus en plus. On a beau se répéter que l'amour dure 3 ans, qu'on a le refrain par cœur. Tout le monde continue d'y croire. C'est des sondages qui se suivent et se ressemblent dans la presse féminine. On est à peu près toujours dans les mêmes proportions. Les 3/4 des Français à être convaincus de vivre aujourd'hui, pour ceux qui sont en couple, avec l'homme ou la femme de leur vie. Et que voilà, l'amour, c'est pour toute la vie. Non. Non, ça c'est deux choses. Si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit le sens du je t'aime, j'ai dit je t'aime en entier, je t'aime, je peux pas vous le dire. Mais si, allez-y, mais dites-moi je t'aime en me regardant dans les yeux, j'aime beaucoup. Mais ça veut pas dire pour toujours, ça veut pas dire non plus pour juste une minute. Normalement, dans l'histoire de l'amour, et non pas dans les contes pour enfants, un peu catholiques, c'est-à-dire ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Dans l'histoire de l'amour, c'est pas du tout ça en Occident. Il n'y a pas de durée, ni brève, ni longue. Généralement, d'ailleurs, dans les grandes histoires d'amour, Tristan et Iseult, notamment, par exemple, ils meurent parce qu'on ne sait pas comment régler. Donc, c'est la logique de l'enfant, la logique de la reproduction qui a dit c'est pour toujours. Mais dans la logique de l'amour, non. Le charme, autrement, on serait absurde, puisqu'on sait bien que ça ne sera pas forcément pour toujours. Pour toi, on continuerait. Oui, mais non, c'est pas pour ça qu'on le fait. On continue. continue de se dire que ça peut marcher, que ça existe. Que ça peut marcher. Mais que c'est justement... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait une durée garantie par le mariage sans divorce, jusqu'en 75, il n'y a pas de divorce tellement possible. À ce moment-là, d'une certaine façon, c'est autre chose qui se joue. C'est une forme d'équipe, c'est pas forcément une logique amoureuse, puisque de toute façon, même si on ne s'aime pas, on restera ensemble. Aujourd'hui, il y a une forme de travail, d'une certaine façon, dans l'amour. Mmh. Alors pourquoi ça continue à nous séduire? Parce que, justement, normalement, la relation avec... le proche, c'est lui qui vous garantit que vous êtes bien vous-même. Donc si je vais à la fac, puisque je suis sociologue, mes étudiants peuvent me garantir que je suis peut-être que je suis un bon prof. Puis après, c'est-à-dire qu'on a besoin du regard de l'autre sur soi. Non, mais on a besoin de reconnaissance. Ouais. On ne peut pas exister sans reconnaissance. Donc pour vous, c'est ça, le malheur absolu. Attendez. Et donc les autres, les amis, les collègues, ils vous donnent des reconnaissances partielles. L'amour, c'est normalement une reconnaissance totale. La différence, il y a une différence, normalement les parents doivent aussi faire une reconnaissance totale, mm-hmm. Elle est même inconditionnelle, tandis que dans l'amour, c'est justement pour ça qu'il y a un travail aujourd'hui, parce que c'est pas « je t'aime pour toujours, je t'aime et nous nous reconnaissons tant que nous nous reconnaissons ». Elle est conditionnée au bien-être. Voilà. Bien-être ensemble. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on se met en couple de plus en plus jeune. Écoutez le message que Louise nous a laissé sur notre répondeur. Oui, bonjour Le Move. Donc, j'appelle pour l'émission Point G comme Julia. Donc, moi, je m'appelle Louise, j'ai 19 ans. Et donc, je suis en couple depuis 4 ans et demi avec mon copain maintenant. Et en fait, nous, on a décidé de pas encore vivre ensemble parce que on se dit qu'on était encore trop jeunes. Malgré qu'il y ait plein de couples jeunes qui se mettent vite ensemble, nous on se dit que on a toute la vie pour être ensemble et on préfère profiter un peu chacun de notre côté, mais ça n'empêche pas qu'on se voit très souvent, presque tous les jours. Donc voilà, et on le vit très bien comme ça. Bisous. 19 ans et déjà en couple depuis 4 ans. Oui, c'est toujours relatif la précocité, parce que dans de nombreuses cultures, il y avait des fiançailles très jeunes, et puis on se mariait très tôt. Mais là, on parle de la nôtre, et on parle de notre nôtre. Époque. Non, mais à mon âge, à moi, qui ai 60, la vie de couple, l'enfance était 21, le mariage était à 20 ans. Le mariage est toujours à 29, si on se marie mm-hmm. aujourd'hui. Enfin, il n'est pas donc toujours, ça bouge mais... Pas. Non, ce que je voulais dire, c'était que il y a une ouverture un peu sur la vie sexuelle et tout pendant l'adolescence. Et puis ensuite, il y a une longue période, parce qu'une partie je ne sais pas ce que faisait cette jeune femme, mais peut-être que le temps même qu'elle trouve un vrai travail, etc., mm-hmm. qu'elle s'installe, entre guillemets, sous le même toit, il y en a pour qui ça s'installe entre 30 ans. Ils ne vont pas attendre, s'ils ont fait l'amour pour la première fois à 15 ans, ils ne vont pas attendre 15 ans en je ne sais pas quoi. Donc, évidemment, non, en France, il y a un modèle qui est d'ailleurs plus conjugal que dans d'autres pays, qui est le fait qu'on se met en couple. On se met en couple sans vivre en couple. Si on veut, c'est pour ça qu'on nous est manque ensemble, des mots. On vit pas là, c'est ce qu'elle a dit. Donc, elle a dit, on vit pas ensemble. Ça, c'est une des modalités. Il y a eu cette période qui s'est créée de dont on n'a sexuelle. Pas vraiment justement le nom, qui est que ils ont un ami privilégié. On se voit presque tous les jours, mais c'est pas, il y a pas la routine. Si on veut, ce qui est formidable et attractif dans cette forme, ouais. c'est que justement, on n'a que le plaisir de sortir, que le plaisir de discuter. Il n'y a pas encore les habitudes, etc. Et donc, c'est une forme d'exercice à la vie conjugale. On dit, c'est vrai que ça ne s'apprend pas autrement, d'une certaine façon, et je trouve ça très bien. Alors, on a une auditrice au bout du fil maintenant. Aurélia, bonsoir. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, vous vouliez vivre avec votre ami, mais c'est votre ami qui est un peu plus réticent au départ, c'est ça ? Tout à fait, oui. Très, très réticent, même. on est en couple depuis 5 ans. Ouais. Vous avez quel âge ? Et puis, j'ai 27 ans. Mm-hmm. Mais on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Donc, on se connaît quand même très, très bien. Ah on, oui. on a confiance. On est, voilà, je n'étais pas une inconnue. Et il y a à peu près un an, il a décidé d'emménager dans un bel appartement, mais sans moi. C'est-à-dire de quitter là où il vivait ? Chez Alors, ses parents, fait, c'est ça chez ses parents. Mm-hmm. Donc du coup, moi aussi, on vivait tous les deux chez nos parents. Ouais. Il a décidé de partir de chez ses parents pour s'installer dans un appartement, mais voilà, seul. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. J'étais très frustrée et très déçue. Et pourquoi puis, surtout, c'est important pour vous de vivre avec lui, de vivre sous le même toit ? Ben parce que pour moi, c'était logique en fait qu'on quitte tous les deux la maison de nos parents pour se retrouver ensemble. Et je comprenais pas pourquoi, enfin comment on pouvait ne pas avoir envie de vivre ensemble, parce que moi de vivre avec vous. Mais oui, mais moi aussi je me demande comment on pouvait ne pas avoir envie de vivre avec vous. C'est vrai que c'était incompréhensible pour moi. Et puis voilà, j'ai essayé d'en parler, de comprendre, mais le sujet était visiblement tabou, donc ça a été très compliqué. François Tinguely dit non. Honnêtement, il y a des hommes qui refusent des fois pour des mauvaises raisons, d'une certaine façon, de s'engager. Dans ce que vous ça dites, ça reste plus masculin, ça. Plutôt. Mais pas forcément sous cette forme-là, parce que la forme que décrit Aurélien, c'est qu'ils sont tous les deux, même s'ils se connaissent depuis longtemps, amoureux et tout, ils étaient quand même chez leurs parents. Et donc, ils étaient quand même fils d'un côté, fille d'eux. Mmh. Et moi, je pense vraiment, là je le dis, on va m'accuser peut-être de prendre position pour les hommes, mais que sur le fond, là, dans l'occurrence, il a raison. On ne doit pas passer directement sous le même toit de fils d'eux à femme, enfin fille d'eux à femme d'eux. Mmh. C'était justement le drame de toutes les générations précédentes. Des femmes des années 20, 30 et 40, et quittaient pour la première fois leurs parents, et immédiatement elles rentraient dans un nouveau statut. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important, parce que peut-être il y en aura des périodes et tout, d'avoir des périodes de vie seule, et faire... commencer, s'installer un peu, voir ce qu'on est quand on est tout seul. J'ai eu des travaux sur ceux qui se mettent... Pour apprendre qui on est ? Oui, mais même voir sur ces problèmes de rythme. Il y a les problèmes d'horaire, quand on est chez les parents, on fait quand même attention à un certain nombre de choses. Donc, la personne s'individualise et d'une certaine façon, si le copain d'Aurélia décide... pas forcément pendant des années, et lui dit « on va vivre ensemble », elle sera, à mon avis, nettement plus de valeur. Donc, alors, à mon avis, Aurélia, il faut vraiment avoir le moral. Aurélia, vous en êtes où, justement ? Non, mais c'est vrai que moi, sur le coup, je me disais « bon, s'il ne veut pas vivre avec moi, c'est qu'il ne m'aime pas ». Donc, c'est un peu dur. Mais aujourd'hui, on vit ensemble depuis 6 mois, donc tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il a fait sa demande, entre guillemets, d'emménagement le jour de nos 4 ans. Donc, du coup, je pense que c'était symbolique pour lui. Et puis, voilà, il m'avait donné les clés. Il m'a demandé d'emménager début septembre. Donc, j'ai suivi ses recommandations. Et puis aujourd'hui, c'est génial, tout va bien. Et vous ne regrettez pas, même avec les caleçons dans le lavabo ou dans l'évier, même tout ça, vous vous dites que j'ai bien fait d'insister. Non ! Mais non ! Non, ça, il faut plus. Non, il les ramasse tout seul, hein, ça va, oui. Mais non, parce qu'il les ramasse pas. Alors, ah bah oui, c'est vrai. Ils n'ont pas cette fonction-là. Non, ils n'ont pas la fonction ramassage, c'est bizarre. Si, si, si, ils testent. Ils testent. Ah, ils testent. Ah ben bah oui, non, ça c'est classique. Il teste comme une partie des femmes, la grande majorité cède, et bien après ça s'installe. C'est-à-dire que le caleçon au bout d'un mois sur Non, normalement les hommes vont... Non, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. Si on veut, il faut le... C'est un test de résistance. Donc c'est soit vous résistez, mais si vous résistez pas, après il faudra pas se plaindre que évidemment... Je suis perdante que vous en ferez plus. Je suis bien trop maniaque. Vous avez quand même... franchement, j'avais jamais entendu l'expression, et je vous en félicite, j'ai d'ailleurs vous la piquer, puisque il n'y a pas de demande en mariage, puisque c'est la question ne se pose pas forcément, etc. Et vous avez quand même repris l'expression si joliment. Il m'a fait une demande d'emménagement. Oh, ça c'est bien. Et je suis très émue. Voilà, on était dans un restaurant, l'hôtel Amour, très symbolique. Pas et, mal. Et c'est vrai que j'attendais, vraiment j'espérais qu'il me demande. Et puis c'était une petite demande en mariage pour moi. J'étais bien contente. Ah non, mais il est bien ce garçon, il est bien. Oui, à part les chaussettes. Non, c'est les caleçons, François, vous n'avez rien compris. Mais j'ose pas dire ce mot-là, moi, je suis d'une autre génération. On peut même dire slip, vous savez. Merci Aurélia. Si vous aussi vous voulez réagir, nous faire partager vos points de vue, vos réflexions, poser nos questions à nos experts, n'oubliez pas le répondeur de l'émission au 01 56 40 54 54. Laissez bien vos coordonnées et on vous rappellera. Mon époque, le Move, ma radio. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles. Tous les vendredis soirs, à minuit, Glitch désoriente les ondes du Move avec son lot hétéroclite de musique électronique indépendante. On te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Festive, bruyante, planante, extrême ou pas, déviante. et étrange peut-être. Ce que vous entendez, vous et moi, on ne saura jamais. Parce que vous entendez, vous, une chose et moi, une autre de ce même machin. Mais différente et inventive, assurément. Cette année sur le Move, vos oreilles vont s'ouvrir à un nouvel horizon sonique. Très bien, c'est vrai. C'était très bien. Glitch. Tous les vendredis soirs, à minuit, brouille les ondes du Move. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Le Move. You mojoké! Le 21 mars, le Move et le Bus Palladium présentent La Nuit du Chasseur. Épisode 5 du tremplin musical qui fait trembler les nuits parisiennes. Venez soutenir vos groupes favoris et élire les talents de demain. Dans le jury, Olivier Cachin, Émilie Dumouve, le groupe Gush et Chaka Ponk en invité exceptionnel. La Nuit du Chasseur, c'est le 21 mars au Bus Palladium et c'est gratuit. Plus d'infos sur lebuspalladium.com. Le Move. À Bordeaux, 87.7. À Caen, sur 87.8. Et Metz. Le Move.fr. Point G, ça continue. Et d'un point G, on aime chanter l'amour. Allez, chante, l'oiseau chante. Chanson choisie par le réalisateur de La Morinade, Olivier Bétard, qui, ses goûts musicolates, serait un tout petit peu gay, à ce qu'on dit. Audrey, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Audrey étant la femme d'Olivier, bien entendu. That my life would change forever. Outre cette magnifique programmation musicale, n'oubliez pas, Point G est une émission qui se fait avec vous. Alors n'hésitez pas à nous laisser des messages, comme on est sympa, on vous laisse le choix. Vous avez la page Facebook de Point G comme Julia, le compte Twitter @pointjulia, notre boîte mail pointg@radiofrance.com. Allumez vos briquets, je crois que c'est le moment. Notre répondeur, je ne le dirai jamais assez, c'est le 01 56 40 54 54. Ça vous plaît, François, cette musique? Ah, c'était votre voix que j'écoutais. Oh, mais vous me faites très plaisir. Allez, on coupe la musique, c'est fini. Point G, l'émission qui appuie là où ça fait du bien. Du lundi au jeudi sur le Move à 19h30. Alors, vous avez été assez nombreux à répondre sur la page Facebook de Point G comme Julia. Nous livrez vos réflexions sur le couple. Il est souvent question de confiance, de partage. Sur Twitter, Roxane va même encore plus loin. Elle nous dit c'est le triple A, amour, ami, amant, toujours veiller à ne pas perdre ce triple A, comme quoi on lui demande toujours beaucoup au couple. Et puis, sur Facebook, on a Anne qui avoue, j'ai une peur terrible de l'engagement, comme quoi il n'y a pas que les garçons. Elle dit, je pense que ma peur de l'engagement est due à ma peur de perdre ma liberté et de devoir partager. Alors, entre compromis, négociations, concessions, voilà, c'est ça, la vie de couple, Coralie nous a laissé un message sur le répondeur, on écoute. Bonjour Julia, salut à toute l'équipe de l'émission de Point G comme Julia, je m'appelle Coralie, ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis avec mon cher et tendre amoureux, et j'ai bien compris qu'il y a certaines choses que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à lui faire faire, peut-être même jamais, des choses qui pourtant me paraissent assez évidentes, naturelles, voire obligatoires dans la vie de tous les jours. Je pense par exemple tout simplement, après la douche, étendre le tapis de bain pour qu'il sèche, ou quand on prend quelque chose dans un placard, on ferme le placard après. Voilà, alors je suis d'accord, je suis peut-être légèrement maniaque, je suis d'accord que la vie en commun, c'est plein de compromis, plein de concessions, ça je l'ai très très bien compris, mais jusqu'où faut aller, quand est-ce qu'on doit renoncer à changer les mauvaises habitudes, entre guillemets, de son partenaire, quand est-ce qu'il faut savoir renoncer à un moment. Parce que pour moi, l'entente parfaite, ça n'existe pas, c'est impossible. Alors comment faire donc pour dépasser un peu toutes ces petites choses qui pourrissent le quotidien et sur lesquelles on se focalise à mort après? Tout simplement, comment empêcher le tapis de bain de me rendre folle et de claquer la porte. Voilà, vous êtes une excellente émission et à bientôt. Alors, comment on fait pour pas claquer c'est la porte aussi, bien évidemment, si Coralie s'aimait elle-même, elle fermerait la porte. Ben oui, l'amour, c'est aimer normalement quelqu'un d'autre. Dites qu'il faut savoir poser ses propres limites, c'est ça? Non, mais c'est d'abord aimer quelqu'un d'autre. Donc, par construction, l'autre, il est différent de soi. Mais c'est pénible. Non, mais c'est pénible. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre ne fasse pas exactement comme oui. Nous. Non, ça c'est clair. Donc je pense que si c'est trop insupportable pour Coralie, il faut justement vivre dans deux logements. C'est-à-dire on peut. Alors c'est une option. Oui, c'est une option. Choisie par de plus en plus de couples, ceux qui ont les moyens, bien entendu, vivre. Ils se diffusent pas tant que ça quand même. À cause de la crise. Regarde. Moins que. Mais même avant la crise, parce que il y a deux. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'est normalement on vit pas le charme de la vie seule pour fermer le placard sur plein d'autres choses, pour manger quand même. Même c'est la chose simple, c'est de manger à l'heure qu'on a faim. Si dès qu'on est en couple, bah, on n'a pas forcément faim à la même heure que l'autre. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et normalement, il y a quand même plutôt une norme dans notre tête que c'est mieux de manger ensemble. Eh bien, il va falloir faire des ajustements d'horaire et donc que nos estomacs aussi s'aiment. Très difficile. Donc, de faire un moitié-moitié, c'est-à-dire si ben, j'aime manger à 20h et que mon copain mange à 22h, je mange à 21h. Parce que si ça, pour vous, c'est vous défaillez sur ça, ben vous allez, entre guillemets, fermer les yeux là-dessus. Et puis oui, mais à moi, côté... j'ai faim 24 heures sur 24, donc ça compte pas. Bon, ben ça, c'est bien. Mais à ce moment-là, vous allez vivre en communauté. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra me nourrir. Exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on vit. C'est la vie en couple, c'est sous le même toit, c'est la vie quotidienne. C'est une forme de vie communautaire. Mais normalement, si Coralie pense qu'à ça, ça veut dire qu'elle ne pense pas au fait que pendant ce temps-là, il faut espérer que lui a d'autres qualités. Et les autres qualités masculines notamment, ce n'est pas généralement d'être formidable à ce niveau-là. Sur la douche, c'est toujours la même... Entre parenthèses, c'est quand ah même ouais, incroyable. C'est marrant, c'est toujours les mêmes plaintes qui reviennent. D'ailleurs, je vais me permettre de vous couper parce que l'émission touche à sa fin et qu'on a Claire au téléphone. Claire qui a fait un choix plus radical, qui s'est dit, voilà, aujourd'hui, une femme peut être seule, peut se permettre de vivre seule plutôt que d'être mal accompagnée. Claire, est-ce que je résume bien ? Oui, plutôt bonsoir. Merci, bonsoir Claire. Je dirais que oui, l'homme n'est plus, en tous les cas j'en ai l'impression, la seule voie d'émancipation pour la femme. Tout à l'heure, François de Saint-Gly parlait d'une porte ouverte. Je dirais que le couple n'est plus la seule porte d'entrée, en tous les cas, à l'épanouissement de la femme. Voilà, j'ai l'impression. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, matériellement, on pourrait même socialement... dire que quelquefois, le mariage n'a jamais été l'émancipation pour les femmes. C'est justement... Si, dans la mesure où c'est le mariage qui permettait aux filles de quitter leurs parents. Pour se réenfermer. Donc, ce que dit... excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Claire. Excusez-moi. Elle a raison de le dire. Normalement, notre objectif principal, c'est de trouver un équilibre d'abord personnel. Ensuite, si on a besoin de proches et que d'autres et qu'on puisse vivre avec quelqu'un, mais a priori, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était bien que le jeune homme commence d'abord par vivre tout seul. Si quelqu'un n'est pas capable de vivre tout seul, il ne peut pas être un bon conjoint. C'est quelque chose de supplémentaire, mais il faut déjà avoir un certain équilibre à soi-même. Donc, Claire a raison, mais il faut éventuellement être amoureux pour la logique de la reconnaissance et pas pour faire plaisir aux institutions ni aux parents. C'est-à-dire que pour supporter la vie à deux, il faut quand même s'aimer un tout petit peu. C'est plus ou moins ce que dit Claire. Claire, vous avez déjà vécu à deux. C'est pas une pétition de principe, vous dites dans l'absolu est définitif. J'ai vécu à deux et aujourd'hui je vis seule avec mon fils et c'est un choix. En tous les cas, je préfère vivre comme ça que mal accompagnée ou à nouveau en couple pour de mauvaises raisons. Et voilà, j'ai trouvé en tous les cas mon équilibre comme ça. Je m'assume financièrement. Tout, voilà, j'ai l'impression qu'en fait cette situation, ce statut aurait été beaucoup plus compliqué il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années. Et Claire est dans les conditions, si elle veut un jour rencontrer un homme ou une femme et recommencer, elle est dans les bonnes conditions puisqu'elle est équilibrée. Je pense qu'une vie de couple qui doit marcher, c'est entre deux êtres équilibrés. S'il y en a un qui est dépendant de l'autre, soit économiquement comme la femme malheureusement l'a été, soit pour d'autres raisons, c'est des situations bancales. Donc il faut passer par des périodes de vie seule pour pouvoir se ressourcer, être équilibré et puis éventuellement recommencer ou renouer d'autres types de liens. Vivre à deux n'étant donc plus une obligation puisque c'est un choix, il faut d'abord être bien avec soi, François de Saint-Gly. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Claire, d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez sur l'antenne du Point G. Voilà, Point G comme Julia. C'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter avec une chanson choisie par Louise. On écoute, voilà. Riot Van, Arctic Monkeys. Et alors, c'est peut-être la vraie nouveauté aujourd'hui. On a le choix dans le comment vivre à deux. Et alors, vous savez quoi ? Les couples fusionnels, ça existe encore, puisque Louise nous écrit « Voici une chanson qui a été notre premier réveil à lui et moi et qui nous rappelle à chaque fois le moment difficile où l'on doit se séparer après avoir passé la nuit enlacés l'un contre l'autre. » C'est pas beau ça, François ? Ça, c'est bien, mais on peut être fusionnel le matin et toute la journée quand même à chacun dans ses propres exactement dans sa propre vie. François de Singly, Libre, Ensemble, c'est aux éditions Albin Michel, vous revenez quand vous voulez. Merci d'être venu sur l'antenne de Point G. Merci également à toute l'équipe, Jean-André Giannichini, Romy Engels et Joli Verne. On revient demain. Demain, on parle des jeunes et du porno. Tous obsédés, vous verrez. Et tout de suite, on vous laisse avec Hashtag.